Jamais à court d'idées, Aurore s'était débrouillée pour donner un air de fête à la maison, concentrant ses efforts sur le jardin d'hiver. Une multitude de bougies rouges, les derniers glaïeuls du jardin dans les grands vases de Camille retrouvés au grenier, des pommes de pin et des fougères en guise de décoration sur la console transformée en buffet. Tout l'après-midi, elle avait préparé des salades, des assiettes de viande froide ou de poisson fumé, des plateaux de fromage. De son côté, Pascal s'était chargé de confectionner des tartes aux fruits et pendant qu'elle cuisait, d'aller acheter du vin à Albi. Sur la route du retour, elle s'aperçut qu'elle avait oublié de prendre du pain frais. Contrariée parce qu'elle était en retard, elle renonça à faire demi-tour. Même si elle n'avait aucune envie de remettre les pieds à la boulangerie du village, elle ferait une exception. La femme entre deux âges l'accueillit aussi mal que la première fois, la contemplant avec une évidente hostilité. « 3 baguettes et 2 pains de campagne tranchés, s'il vous plaît », lança Pascal sans se laisser impressionner. Tout le temps que la boulangère mit à la servir, elle regarda ailleurs, un sourire poli figé sur les lèvres. « Bonne soirée !» ricana la femme derrière elle tandis qu'elle sortait. Sur le trottoir, elle faillit heurter Lucien Lestrade. « Je suis contente de vous rencontrer. Justement, il faut que je vous parle des plantations. C'est déjà tard dans la saison, mais j'ai acheté tous les bulbes. Alors je vais venir lundi. Je passerai la journée chez vous, ça devrait suffire. » « Monsieur Lestrade. » Elle se souvint qu'il lui avait demandé de l'appeler par son prénom et se reprit. « Lucien, je vous ai déjà expliqué que je ne peux pas vous employer. »« Je le fais pour rien, » répliqua-t-il. « Mais il faut s'y mettre, sinon il n'y aura pas de fleurs au printemps. » »« Peu importe. » La réponse parut le scandaliser. Il ouvrit de grands yeux et recula d'un pas. « Comment ça, peu importe ? Vous vous rendez compte de ce que vous dites ? J'ai promis, moi, et je n'ai qu'une parole. Je m'occuperai de ça jusqu'au bout. De nos jours, tout le monde se fout de tout. C'est à ne pas croire. Promis quoi ? À qui ? » Il l'enveloppa d'un regard indéchiffrable avant de hausser les épaules. « Je serai là vers 9h, » maugréa-t-il. « Eh bien, pas moi, je travaille. » « Ne vous inquiétez pas, j'ai la clé de la petite porte. » Avec un geste vague vers sa casquette en manière de salut, il la contourna et pénétra dans la boulangerie. Durant 2 ou 3 secondes, elle resta immobile, hésitant à le suivre dans la boutique pour lui demander d'autres explications. Finalement, elle y renonça. Elle essaierait de rentrer tôt lundi, afin d'avoir une conversation sensée avec lui. Elle ne voulait pas qu'il conserve une clé du parc, ni qu'il traîne chez elle en son absence. Les fleurs étaient le dernier de ses soucis. De quel droit cet homme lui en imposerait-il ? Jamais elle n'aurait la patience de sa mère pour désherber, arroser, traiter, et qui allait payer ses bulbes ? Elle reprit la route de Pérol, remâchant sa contrariété. Elle avait établi toute une liste de travaux urgents où le jardin n'avait aucune place. À côté de la serre, sous l'abri, elle avait vu une tondeuse, un petit tracteur, une débroussailleuse et une tronçonneuse. Ce matériel appartenait à la propriété. Son père avait dû le renouveler au fil du temps pour permettre l'entretien du parc. Lestrade et les locataires s'en étaient servis. Elle pouvait apprendre à le faire. En arrivant devant les grilles grandes ouvertes, elle découvrit les torches installées par Aurore au coin de la pelouse. Leurs flammes trouaient le crépuscule, donnant un mystérieux air de fête à Pérol. Près du perron, une voiture inconnue était déjà garée, mais la maison semblait déserte. Pascal se dépêcha d'aller déposer le pain à la cuisine, espérant avoir le temps de se changer avant l'arrivée des autres invités. Alors qu'elle grimpait l'escalier 4 à 4, une exclamation lui fit lever la tête. « Ma petite fille !» Elle se jeta dans les bras de son père, heureuse comme une gamine de le trouver là, sur le palier, si semblable à l'image d'enfance qu'elle gardait de lui lorsque toute la famille était heureuse à Pérol. « Tu as pu venir, c'est merveilleux. Et Adrien ? Ah, il est avec ton amie Aurore dans son ancienne chambre. Où nous as-tu logé ? Dans la mienne. » Enfin, la mienne à l'époque, que je réserve aux amis. Mais si tu préfères, je te rends la tienne, je... » Henri se mit à rire, apparemment égayé par la situation. « Ce sera parfait, ma chérie. Tu es chez toi maintenant. C'est toi qui nous reçois. Vous restez un peu ? Jusqu'à demain soir. Nous avons loué une voiture à l'aéroport. C'était le moyen le plus rapide, parce que j'ai peu de temps. Mais j'avais tellement envie de te voir. » Il la considérait avec une tendresse qui la fit fondre, et elle se laissa aller, la tête contre son épaule. « Tu m'as manqué, papa. Tu vas bien ?» Sans doute avait-il fait un effort pour franchir la porte de cette maison, si pleine de souvenirs, et elle y en était reconnaissante. Ni bien ni mal. Ta mère a laissé un vide que je n'arriverai jamais à combler, alors je n'essaie même pas. La clinique m'absorbe entièrement. Elle ne voulait pas imaginer ce qu'était sa vie, à Saint-Germain, dans l'appartement vide. Qui as-tu invité pour ta pendaison de crémaillère? Sam et sa fiancée, des collègues de Purpan. Samuel est fiancé? S'étonna-t-il. Pas encore, mais j'espère qu'il va se décider. De l'index, il lui releva le menton pour la regarder dans les yeux. Tu l'espères vraiment? Un peu embarrassée, elle chercha la réponse la plus honnête. Il finira par refaire sa vie, et cette fille-là me paraît bien. Je veux pouvoir rester son amie sans équivoque, tu comprends? Un sourire indulgent illumina le visage d'Henri. Ce qu'on peut se raconter comme histoire, en toute bonne foi. Allez, va vite te changer. Tu ne comptes pas recevoir en jean, je suppose.